Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, on va donner le coup d'envoi de l'émission avec un second extrait de l'album de Alessandro Corvaglia, le chanteur de la Mascara di Cera. Et puis, on a aussi une nouveauté italienne, Il Testamento degli Arcadi, un groupe formé de musiciens de Garden Wall, Black Jester et Spiro Sfera. Il y aurait même un invité spécial, un musicien de Odessa. C'est assez mystérieux pour le moment. C'est un album qui devrait paraître en octobre et puis inspiré de la série télé, ça va peut-être rappeler des souvenirs à certains, Space 1999, ou en français c'était Cosmos 1999, une série des années 70. Et puis après ça, on reste en Italie, et je pense qu'après ça, c'est la Russie qui est à l'itinéraire, n'est-ce pas Marc? Oui, en effet, on aura un extrait du nouvel album de Marco Mattei, un guitariste italien, et c'est son premier essai qui va paraître le 19 novembre prochain, qui porte le titre Out of Control. On aura la pièce Void. Également, la formation russe Vespero, une formation qui a débuté en 2003 et qui en sont déjà à leur 12e album avec Sango. Donc, on aura un extrait de cet album qui va paraître au mois d'octobre prochain. Mais tout d'abord, comme vous l'annonçait Michel, un deuxième extrait de le nouvel album de Alessandro Corvaglia et également en primeur Il Testamento degli Arcadi.

Salut, ici Jason Bajada. Écoutez ma chanson Elisabeth en diffusion à CKRL 89.1. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet, et il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur, faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Envie de vivre une promenade artistique mystère à Québec? CKRL vous invite à la promenade des arts les 18, 19, 25 et 26 septembre. Laissez-vous guider par 4 animateurs et animatrices de CKRL dans 4 lieux mystères où des performances d'artistes vous surprendront. La seule chose que vous connaîtrez, votre point de rendez-vous et d'arrivée, CKRL au 405 3e Avenue. Réservez votre billet gratuit sur ckrl.qc.ca ou lepointdevente.com. Masque et passeport vaccinal obligatoire pour participer à l'événement. Ce projet est rendu possible grâce à l'entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. À découvrir sur la Fabrique culturelle. On a découvert cette place-là, on s'est dit c'est trop bien situé, c'est en pleine basse-ville. Tout était comme là pour que ça fonctionne. Fait qu'on s'est dit, bon, OK, on a appelé le propriétaire puis on a signé le bail le lendemain. Le Pantoum, bastion musicale à Québec. La suite logique un peu du Pantoum, c'était aussi de faire en sorte qu'on puisse avoir une expertise au niveau de la mise en marché. Toute, mettons, l'équipe puis toute l'expertise qu'un groupe de musique a besoin pour comme finalement pouvoir aussi se développer puis perdurer dans le temps. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Tel qu'annoncé en début d'émission, bien, on est vraiment content, Marc et moi, de vous présenter un spécial sur la formation allemande Argos, un groupe formé en 2005 et qui a maintenant 6 albums à son actif, le récent The Other Life, est évidemment le prétexte pour nous pour vous proposer un survol de la discographie de cette formation qui puise dans les années 70, le prog des années 70, mais qui ajoute aussi sa touche bien personnelle. Et on a aussi des éléments de pop, de folk, de jazz. Moi, j'aime beaucoup cette formation. Je trouve que c'est très original. Et puis, ben écoutez, ce soir, c'est le claviériste et chanteur Robert Gozon qui va vous présenter les pièces. Donc, je laisse la parole à Robert. Hello everyone, this is Robert Gozon from Argos, and we are a band from Germany. We play progressive rock. And first of all, thank you so much for having us on your show. It's really a pleasure. In the next hour or so, you can hear a lot of our music. I'll be talking a little bit about the individual songs and about the history of the band too. So check it out and let's hope you'll enjoy. Yeah, the first two songs you're going to hear are called King of Ghosts and Core Images, and both are of our first album, which came out about 12 years ago now, 2009. And this was a self-produced album, basically made at home. And Thomas Klammer and I had met before. We were playing a local band together called Superdrama. Didn't have any, you know, recording experiences whatsoever. So in that respect, we were quite naive. But I think you can hear a lot of enthusiasm in the music. We're quite happy with the result, and especially that we were joined by Ulf Jacobs, who plays the drums on these songs. Yeah, King of Ghosts and Core Images. He's been around for much too long. first album is subdivided into a few sections. So you have the individual songs, and then you have sections like Nursed by Giants. This is obviously a wordplay, like Nursery Crime by Genesis, and allusion to Gentle Giant, the famous British rock band from the 1970s. So we didn't take it too seriously, but we wanted to give the listeners some orientation and, you know, showing our influences, where we came from, and the music that we really loved at that time. That was the idea behind it. Thank you. next two songs are called Paper Ship Dreams and Caught Within the Light. You can hear these songs on our third album, Cruel Symmetry, which features our first long track, quite interesting to make at that time. We threw some ideas together. It came out as a very long song, but we're happy with it, actually, because we came to play it live several times, and it was well received by the audiences. But these two songs are interesting because the first one is sung by Thomas Klarmann, who also wrote the music and the lyrics. The other one, Caught Within the Light, features my lead vocal, which is a little bit more aggressive, I would say, than the rest of the music. Difficult to sing for me at that time. I remember recording it and not being happy first. But I think it came out strong, and we played it live too. So these two tracks are called Paper Ship Dreams and Caught Within the Light. Thank you. Such a huge can divert from the fact that all

stormy and stars hit the light, but still they reveal all voices within call us. So we begin to embrace the day. The next two songs are called A Seasonal Affair and Forbidden City. A Seasonal Affair actually started as a quite simple piano-based piece of music. I just did my vocal part and the piano chords. And then Thomas Klarmann came up with his arrangements ideas, which are always a little bit more intricate, a little bit more complicated. And he has this beautiful flute melody that he plays. So I think the way the song develops is really quite nice and quite interesting. Forbidden City is one of the instrumental tracks that we usually have on our albums, which give us a little bit more freedom to experiment, to move away from the conventional song format and to try out things in a different way, you know, have other instruments and, you know, interesting arrangements. So I hope you like these songs. We'll be right back. 2018, we made our last record with Rico Florczak, who left the band. He was our producer and guitarist, and we made this record together called Unidentified Dying Objects. We're very proud of it. I think it's one of the best sounding records so far. And you can listen to two songs here. The first one's called The Hunter's Last Stand. There's also a YouTube video, and the other one is Parade of Unpainted Dreams. We'll be right back.

Masque et passeport vaccinal obligatoire pour participer à l'événement. Ce projet est rendu possible grâce à l'entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la ville de Québec. Goûtez l'aventure avec la boîte découverte de la boîte à pain. La boîte découverte, c'est 5 produits. La nouveauté au miel, noix et à la fleur d'oranger, 2 biscuits sablés au citron, un choix entre croissant ou chocolatine, un choix entre croffin, muffin ou un chausson aux pommes. Dites oui à la nouveauté. La boîte découverte est à seulement 11,99 taxes incluses. Visitez la boîte à pain à Saint-Roch, Limoilou, Sainte-Foy et Grand Marché. Boîteapain.com. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. On poursuit le spécial Argos avec la conclusion de ce spécial et toujours avec Robert Gosen, chanteur et claviériste de cette formation allemande. The new album is called The Other Life, and when we started making demos, it was the time that Rico actually decided to leave the band. Luckily, we found Arkosh to produce the album, to play guitars, electric acoustic guitars. He sings backing vocals. He has some great ideas for songs, for arrangements. So it was just fantastic to work with him. But then, you know, with the pandemic, things became a little bit more complicated. It took a little longer than usual. Here we are in 2021, and this is our new album. And hope you like the songs. And thank you for the support. We have people from all over the world who listen to our music, and this is just fantastic. Thank you very much. Thank you. Hello, it's Robert of Argos, and you're presently listening to Terra Incognita, the progressive reference of Quebec City. As he trudged along his way to school, it was always Johnny's golden rule to be looking at the sky and the clouds that floated by on his way. Johnny never ever thought about, so that every single one cried out, look at little Johnny there, little Johnny, head in air, head in air. High in the sky, clouds passing by, head in the air, to my Mr. Care. And he never heard them cry. Yes, he never heard them cry. Clouds that floated by on his way. Johnny never ever thought about, so that every single one cried out, look at little Johnny there, little Johnny, head in air, head in air. High in the sky, clouds passing by, head in the air, mind is to care, and he never heard them cry. Yes, he never heard them cry. C'est ainsi que se termine notre spécial avec la formation allemande Argos. On remercie d'ailleurs le claviériste et chanteur Robert Gozon pour sa participation. Alors, on va poursuivre maintenant avec deux formations italiennes. Une première qui se passe pas mal de présentations parce que c'est une formation qui a débuté dans les années 70 et qui sont toujours actifs aujourd'hui. La formation PFM Premiata Forneria Marconi, tirée de leur album Stati di Immaginazione. Paru en 2006, on aura la pièce Cyber Alpha. On aura également la formation italienne Egonon, avec un seul album en carrière, l'album Risveglio, paru en 2011. On aura la pièce Rosso Asfalto, mais tout d'abord PFM. Thank you. ci son caduto giù per terra, petalo tra gli eghi di uno sparo, pezzo di metallo mia carezza, porta via con sé il bambino e me. Striscia su dei fogli di giornale quell'odore di uno spirito che sale in fondo il virus del silenzio tra di noi. Ed io potrei restare qui, la la la la la la, e parlare delle cose. Rosso era l'asfalto e il caso non fu mai risolto e il corpo ancora là. Demiurgo dietro l'occhio che dall'alto tutto pensa. Rosso, ora sto perdendo un po' rosso. Forse l'infezione si è già sparsa. È fredda come l'acqua sotterranea. La gente che mi scorre sopra il corpo è già sola. Niente, mi toglierà il colore dentro sé. Vorrei che la fine fosse adesso e che durasse l'eternità tra queste piume di ali calde che mi avvolgono, vivrei col gusto che mi lascerà la la la la la la la, il tempo sulla pelle. Rosso era l'asfalto, il caso non fu mai risolto, il corpo ancora là. Dietro l'occhio che dall'alto tutto versa. Rosso era l'asfalto allora, il rosso è quell'asfalto ancora. Rosso era l'asfalto allora, il rosso è quell'asfalto ancora. Rosso era l'asfalto allora, rosso è quell'asfalto ancora. Ce soir, on vous laisse avec un extrait d'un album d'une formation allemande qui a pour nom Solar Project, un extrait de l'album Five. Vous devinez que c'est le cinquième album du groupe paru en 2001. Et puis, ben, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. C'était Marc Chonet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Restez des nôtres, l'autoroute dans quelques instants. Et comme je fais souvent, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Bonne nuit à l'écoute de CKRL. Romantic hours of atmosphere. God Almighty seems to be here. A bonfire outside, a light in the night. A red flower fascinates his Galileo. It changes his figure and radiates warmth. People come together face to face. The flame casts a flame. Sparks out your name. The blame changes to extreme, destroys a lot of hopes and dreams. An uncontrollable night. Pray to darken the light. The conflagration bursts to the ground. The countries and the great fire devastates the land. Loneliness and grief in the end. The flame catch a frame. Scorch as your name. Maybe a flame. Who will remain? Oh,